se parol se les ap invite ou pou di bon Dieu merci pou tout sa la fè pou nan la vie. Merci Seigneur pour ça que vous faites pour moi dans la vie. L'aime songe dans moi mai 1996 côté moi-même, ma tante moi, cousine moi. On t'a pas monter un avion qui t'a sur Port-au-Prince pour aller au Cap. Pendant nous étions dans l'est monde qui était pour partir. Au même mon Dieu, na omniprésence. Pour te préserver nous pour pas monter avion ça. Un bel n'a gardé dans 15-20 minutes avion ça t'a tombé sous piste là avec tout le monde qui était là-dedans. Pilote est mort. Alors chaque jour m'appelle pour vous dire merci. Mais la musique ça spécialement pour pas avoir dire merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci Seigneur. Nous invitons tout le monde. La pape dit bon Dieu merci pour tout ça le fait pour vous. La petite soeur Marie Gentil. Bon Dieu te délivre. Dis bon Dieu merci. Soeur Obdana. Dis bon Dieu merci. Balancez-moi. Alléluia. Merci pour protection toujours en moi. Merci pour intelligence souvent en moi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu. merci.